Elle et moi, on s'est aimé comme des fous jusqu'au délire. Elle et moi, on s'est donné par-dessus tout dans un sourire. Aujourd'hui, tout est fini, le ciel est gris et tout chavire. Car ma vie sans elle ne veut rien dire, mais l'amour est le plus fort. Je l'aime encore, je l'aime encore, je l'aime encore. D'autres joies, d'autres plaisirs lui ont tourné cent fois la tête. D'autres bras, d'autres désirs ont éclairé ces jours de fête. Chaque nuit à son tableau vont s'ajouter d'autres conquêtes. Moi, je suis comme un bateau dans la tempête, mais l'amour est le plus fort. Je l'aime encore, c'est le diable ou le bon Dieu, c'est le démon, c'est l'infidèle. Elle se brûle au mille feux de ses passions, toujours nouvelles. Sans pider au crédit ni je la revois, il s'abandonne. Et mon cœur dans sa folie déjà pardonne, car l'amour est le plus fort. Je l'aime encore, je l'aime encore, je l'aime encore.